Le journal népalais Kolkapatra, en date du 15 juillet, a inséré un article en faveur de la réussite du lancement d'essais du missile balistique intercontinental de notre pays. L'auteur a indiqué que la réussite du lancement d'essais du missile a manifesté physiquement que la Corée peut attaquer à sa guise le centre des États-Unis et que cette réussite a été un coup foudroyant pour les États-Unis.